Exercice 2, page 55. A. Slovaquie. B. Estonie. C. Italie. D. Bolivie. E. Sri Lanka. F. Tunisie. G. Bulgarie. H. Portugal. I. Uruguay. J. Honduras.